Top Chrono, rugby à 13. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé du côté du rugby à 13. Bien sûr, il y avait le championnat Elite 1, il y avait Elite 2, il y avait ce fameux derby, Jean-Yves. Les Avignonnais ont fait fort, encore une fois, samedi après-midi, du côté de Saint-Ruf. Ah, exactement, Fred. Les Avignonnais qui recevaient la réserve des Dragons catalans, l'équipe qu'on appelle 13 catalans Saint-Estève. Les Avignonnais qui se sont imposés sur le score de 19 à 16 face à ces Catalans. Les Catalans qui venaient pour faire un coup. Quelle belle équipe aussi, cette équipe des Catalans qui ont produit un jeu fantastique. Et puis les Avignonnais qui finalement ont un petit peu tremblé jusqu'à la fin. Et la délivrance est venue sur un essai marqué à la toute fin de partie par les Avignonnais. Complètement en coin, un truc... voilà, c'était le jour des Avignonnais. Bizarrement, il y a 15 jours, les Avignonnais avaient beaucoup dominé et pas gagné contre Carcassonne. Et puis là, ils ont beaucoup plus subi le match. Et puis finalement, ils s'en sortent bien. C'était une belle journée pour eux. Les tribunes étaient bondées. On a vu un spectacle terrible. Et puis, des Avignonnais qui voulaient absolument pas perdre pour rester dans la course au play-off, puisque... Ils sont qualifiés pour les playoffs puisque ce sont les six premiers. Mais il était important de rester positionné pour pouvoir accéder au top 4. Et ben voilà, c'est chose de faite puisqu'ils sont aujourd'hui cinquièmes avec 39 points. Carca, quatrième avec 40 points à égalité avec le 13 catalan. Limoux, second avec 45 points. Et puis Lézignan qui fait la course en tête avec 53 points. Ça nous promet de superbes phases finales. Et puis la semaine prochaine, le Magic Weekend. Le Magic Weekend, je le rappelle pour les gens qui ne connaissent pas, c'est toutes les rencontres de la journée de championnat d'Elite 1 regroupées sur deux jours, sur un même terrain, même lieu. Ça va attirer un monde de folie. C'est à Carcassonne et les Avignonnais seront opposés, me semble-t-il, aux Carcassonnais ou aux Albigeois, j'ai un petit doute. Bien comptablement, Avignon est qualifié pour les phases finales. Ils sont que c'est les 5 premiers. Hein. Avignon est qualifié. Avignon, quoi qu'il arrive, est qualifié. Maintenant, tu sais, comme dans tous les play-offs, il est important de se qualifier du mieux possible pour pouvoir espérer recevoir une équipe un petit peu plus faible. Les Avignonnais qui recevront Limoux la semaine prochaine, je te dis une bêtise, le Magic Weekend, c'est dans 15 jours. Le prochain match, c'est samedi. Les Avignonnais qui vont recevoir Limoux qui viennent de charger puisqu'ils ont, encaissé plus de 50 points sur leur terrain face aux voisins lézignanais, leader de la poule, premier contre second. Le premier est allé filer 55 points au second au stade de l'Aiguille où il n'est jamais très facile de s'imposer. Les Limouxins qui viendront à Avignon la semaine prochaine pour essayer de faire un bon coup et surtout de priver les Avignonnais d'une belle place en phase de finale. Mais on n'en est pas là, il va falloir jouer ce match et on espère que les Avignonnais seront à la hauteur. Revenons maintenant à ce qui était un immense rendez-vous, c'était le derby du Vaucluse en Elite 2, c'était André qui avait retrouvé cette année l'Elite 2 face à Carpentras qui est, on va dire, une cylindrée aguerrie à cette division. Eh bien, on espérait que le petit fasse tomber le grand. Eh bien, c'est pas du tout... Malheureusement, c'est pas le même scénario qui s'est passé du côté d'Entraigues. On y a cru. Les Entraiguois qui avaient organisé une superbe fête pour ce match pour ce dernier match de la poule régulière à la maison. Les Entraiguois qui avaient réuni les anciens joueurs, les sponsors, les invités... Bref, tout ça c'était et puis pas loin de 700 personnes dans les autour du stade. C'était vraiment une jolie fête. Le match par lui-même, c'était un beau match, vraiment un beau match de rugby à 13, un beau match d'élite 2. Les Entraiguois auraient pu gagner ce match-là, Fred. Ils ont beaucoup dominé. La première mi-temps est quasiment à eux pour l'ensemble de la première mi-temps et même en seconde mi-temps, on a pensé qu'ils pouvaient faire le truc, sauf que ils ont fait quelques erreurs en défense, des erreurs naïves à un moment. Et puis les Carpentraciens qui n'ont jamais arrêté de pilonner cette défense entraigoise. Et puis ça a lâché une paire de fois. Manque de peau, ça lâche au mauvais moment. Les Carpentraciens qui reviennent au score juste avant la mi-temps et qui passent devant à la mi-temps. Les Entraiguois qui reviennent dans la partie. Puis à un moment, on a l'impression qu'il ne peut plus rien arriver, que les Entraiguois vont gagner ce match. Il y a Jordan Richard, le centre de Carpentras, marque un essai. Il y a un mauvais geste sur Jordan au moment où il aplatit. L'arbitre accorde l'essai. La transformation est réussie. Et une pénalité en face des poteaux, un suivant. On appelle ça à 13 un essai à 8 points. Essai transformé, plus la pénalité. Ça permet à Carpentras de revenir dans C'est quoi celui-là ? C'est, on va dire, la capacité à connaître ce genre de rendez-vous pour Carpentras qu'à payer. Probablement. Parce que peut-être qu'eux sont habitués à ça. Probablement. Tu sais, les Carpentrasiens sont en élite 2 depuis maintenant quelques saisons. Ils ont l'habitude de ce match un peu couperé. On les avait vus l'an dernier, rappelle-toi, ils avaient fait un beau parcours en coupe et puis ils s'étaient qualifiés. Ils ont l'habitude de jouer ce genre de match. Les Entraigois ont paru un petit peu émoussés, puis ils avaient deux blessés. Leurs deux talonneurs titulaires se sont été blessés. Il y en a un qui s'est pété la semaine d'avant, et l'autre a été obligé de subir une intervention de l'appendicite quelques jours avant, 2-3 jours avant. Voilà, ça a un petit peu déséquilibré. On a fait rentrer Benjamin Co, qui était un bon joueur aussi au poste de talonnage, mais voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Ils ont joué un petit peu diminué, puis comme tu le dis, les Carpentrasiens, eux par contre, ils n'ont jamais démérité, ils ont une paire de vieux pénibles là, du côté de Carpentras qui ont fait le boulot. Entraigues, il y en avait une paire aussi de vieux pénibles, je pense notamment à Jimmy Jean, et les Entraigois avaient reçu l'apport de Yazid Chouchane. Ça n'a pas suffi, ça n'a pas suffi parce que probablement qu'au moment où c'était compliqué, les cadres, était plus costaud du côté de Carpentras. C'est dommage parce que c'était vraiment une belle fête. Juste, ça met les Entraigois dans une position un petit peu inconfortable parce que... C'est quoi que c'est qualifié ? C'est les premiers ? Les quatre premiers sont qualifiés, les six premiers ? C'est les six, mais le risque est grand parce que la semaine prochaine, les Entraigois vont jouer à Villefranche d'Aveyron. Et là, il n'est jamais très simple d'aller faire un coup là-bas. Voilà, une victoire hier d'Entraigues aurait assuré les Entraigois de jouer les phases finales. Mais quand on regarde Bao est leader bien sûr de cette poule. Villefranche d'Aveyron ont perdu 22-40 ce week-end quand même. Alors bon. Ouais, mais à Bao. Contre Bao, contre Bao et à Bao, me semble-t-il. Hein. Ah bon, parce que moi sur le. Non, il me semble non, que d'accord. Il me semble que c'est. Il y a une petite erreur Bao qui de recevait. Ouais, ouais, ouais. Toujours est-il que ça va se jouer entre ces équipes. Alors il faut pas être alarmiste, il faut pas être déçu même pour ces Entraigois parce que rappelle-toi le discours qui était le discours de début de saison des présidents Entraigois. Ils disaient on est là pour faire une belle saison, on prendra ce qu'il y a à prendre, l'essentiel c'est de pas faire l'ascenseur. Ils vont pas faire l'ascenseur. Non c'est bon, ils ont sauvé leur saison. Hein. Ils ont sauvé leur saison, ils sont à 8 matchs, à 8 victoires. William Roux dans les vestiaires me disait que si en début de saison on lui avait dit qu'il y aurait 8 victoires et qu'il jouerait les playoffs à la fin de saison, il aurait signé dès demain. Voilà, c'est malgré tout une belle saison, mais effectivement, ça laisse un sentiment un peu mitigé pour ces Entraigois. On va écouter Yazid Chouchane si. Allez, on accélère si un petit peu dans cette soirée parce qu'il y a beaucoup de rendez-vous. Il est déjà 19h presque à la panule de Fly FM. Yazid Chouchane. Allez, on va accélérer Chouchane. Après. Allez, avec Yazid Chouchane, le trois quarts centre de cette équipe d'Entraigues aujourd'hui. Yazid, tes impressions après cette défaite aujourd'hui ? Ben, un peu déçu parce que on perd sur des fautes bêtes. Mais bon, superbe équipe de Carpentras et une équipe de collègues. Et comme je dis aujourd'hui, c'est un super sport le 13 et je me régale et on est au top aujourd'hui. Finalement, pas trop déçu de ne pas être allé à Nice ? Non, pas du tout déçu. C'est un honneur d'avoir joué avec Entraigues. Déjà, je voulais remercier les entraîneurs, le président de m'avoir fait confiance, de m'avoir mis dans l'équipe. Et voilà, et aujourd'hui, j'ai pas pu faire trop la différence. C'est une belle équipe de Carpentras et encore félicitations. Tu t'es fait un copain sur la fin. On t'a vu échanger quelques mots avec le pilier de cette équipe de Carpentras. Ouais, on s'est un peu branché sur la fin. On a l'habitude des beaux bébés comme ça à 15. Et je voulais voir un peu ce que ça valait. Ça valait le coup, ouais, je suis tombé sur un morceau. Allez, on est revenu, puisqu'on avait un son, Yazid Chouchane, je crois. Hein. Ouais, Yazid Chouchane qui n'avait pas été retenu avec la SBC. Et donc qui était dans l'équipe qui a joué au centre hier et qui a fait un bon match. Allez, on écoute l'analyse juste derrière d'un personnage qu'on ne présente plus, Renaud Guigues, pour ceux qui ne connaissent pas. Allez plutôt sur Facebook, sur l'Internet, vous verrez, le personnage est énorme. Difficilement acquise, Renaud, tes sentiments après cette victoire ? Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'on est mené tout le match. On est 8 points derrière à 10 minutes de la fin. Et malgré ça, on reste quand même dans le match, concentré. On revient, on marque. Donc il y a eu un gros travail collectif et je tiens à féliciter les joueurs. En plus, on pète deux joueurs sur la première mi-temps, donc on n'avait plus que deux remplaçants pour tout le match. Et malgré ça, ils ont rien lâché. Donc c'est un gros match et un gros mental aujourd'hui. On a l'impression que ces Catalans, ils vous ont donné quand même pas mal de fil à retordre. Ils ont fait un gros match sérieux et ça fait beaucoup de fautes. Et à un moment, on a même cru que le match allait vous échapper sur la fin. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu. Après, voilà, il marque le premier essai en contre, il marque sur nos fautes à nous. Donc, on savait que contre cette équipe qui est très technique, lorsque voilà, les petits détails ne marchent pas, on le paye. Donc, mais bon, on a su se reprendre. Et puis, non, c'est bien, c'est positif, je suis content. Comme d'hab, vous vous reposez beaucoup sur la défense depuis le début de la saison. On a l'impression que c'est la base un peu de l'équipe. Disons qu'avec tous les problèmes qu'on a eu de charnière depuis le début, autant avoir une bonne défense. Parce que c'est vrai que notre attaque a eu du mal. Là encore, Rémi qui rentre, je ne sais pas combien de charnières j'ai essayé depuis le début de l'année, parce qu'on a de gros problèmes. Donc voilà, oui, c'est vrai que heureusement qu'on a cette défense et heureusement qu'on voit que collectivement ils mettent du cœur là-dedans et c'est vraiment très bien. Merci.